mon gars, viens faire la fête. Oublie tes moments difficiles, les soucis de la vie rendent souvent fragiles. Arrêtez de nous embrouiller, nous on veut s'amuser. Nous on n'a pas le temps pour les écrits, on veut s'enjailler. Arrêtez de nous embrouiller, nous on veut s'amuser. Nous on n'a pas le temps pour les écrits, on veut s'enjailler. Maxwell Cornet. J'ai travaillé toute l'année, j'ai bien le droit de m'amuser une journée. Maintenant que le bar a payé, il faut que je sois le premier à en profiter. Des terres ce soir, c'est des bouteilles de champ dans le club le plus cool de la ville. Et si tu conspires sur ma vie, j'en ai rien à foutre parce que moi te kiffe. La santé, les billets au rendez-vous. Aujourd'hui, je fais sortir tous mes à-coups de salao. Si t'es jaloux, oh. Ne te prends pas la tête, mon gars, viens faire la fête. Ne te prends pas la tête, mon gars, viens faire la fête. Ne te prends pas la tête, mon gars, viens faire la fête. Oublie des moments difficiles, les soucis de la vie rendent souvent fragile. DJ BGK. On a bien le droit de se faire plaisir une fois. On ne vit qu'une seule fois. On a bien le droit, la vie est trop courte. Romeo Kwaku. Tu dis que je suis mauvais, pourtant c'est moi qui te mets à l'aise. Remballe tous tes problèmes, tes fêtes, tu t'aides, tes têtes s'imposent, mets les de côté. Aujourd'hui on va s'amuser sans limite, mettre les jaloux de côté. Président DJ Drogba. Ne te prends pas la tête, mon gars, viens faire la fête. Ne te prends pas la tête, mon gars, viens faire la fête. Arrêtez de nous embrouiller, on veut s'amuser. On n'a pas le temps pour les écrits, on veut s'enjailler. DJ Meko, celui qui rame dans le sens du courant, fait rire les crocodiles. Ibou Djabagaté, le duc de Paris, Alex Garcia. National Franck Caissier. On a bien le droit de se faire plaisir une fois. On ne vit qu'une seule fois. On a bien le droit, la vie est trop courte. De se faire plaisir une fois. On ne vit qu'une seule fois. On a bien le droit, la vie est trop courte. Coco la japonaise. On a bien le droit. Marie Somaï. On a bien le droit. Sébastien Leblanc. Et Boué Kwasi. Razak Silou.